Le conducteur de cet autobus manifeste son intention de quitter son arrêt en utilisant le clignotant gauche. Je dois lui céder le passage, mais je ne peux pas dépasser le cycliste en utilisant la voie de gauche, puisque cette voie est réservée aux transports en commun qui circulent à contresens. Je patiente en attendant que la situation s'éclaircisse. Réponse A et D.